matraque. J'ai pas fait la guerre en Irak. J'suis pas un de ces dirigeants qui pensent qu'à l'argent. Rien à perdre de leur réforme, j'entends pas dans les normes. Les compas et les lois sont fichés de ce qui se passe en bas. Tous concernés par leur dépression, on est dans la merde. Vous pouvez remercier le Sénat, l'Elysée et la Nationale Assemblée. Je veux pas porter l'uniforme pour aller tuer des membres. Alors je prends le micro et dénonce leur complot. Leur justice nous a condamnés bien avant qu'on soit né. Leur soi-disant police, une milice sur laquelle je pisse. De plus en plus de bavures, de plus en plus de censure. De moins en moins de travail, de moins en moins de mal. On s'en sort avec eux et on fait ce qu'on peut. Je balance des mots crus, sorti mon meilleur cru. On vit dans un monde monotone et ça part en automne. Les versets sont censés, je suis blasé, je n'ai assez de vivre dans une France blessée. Où Marianne s'est prostituée, tout ça pour la monnaie. Dédicace à ma campagne, la notre campagne électorale, un jour ça tournera mal, yo. Notre campagne électorale, que tu sois enfant de la dalle ou un enfant de la balle. Dans notre campagne électorale, peu importe ta classe sociale ou tes origines raciales. Dans notre campagne électorale, pour les villes et les campagnes, que tu sois hostile ou calme. Une nouvelle date, les gens se hâtent. Mais moi, speak, la nerf sarcastique me dit de vue la politique. Mes bonnes résolutions seront de me faire poseur plastique. Gagner ma croûte en faisant dealer de shit, dealer de rimes. J'impose mon style sur la feuille blanche, aussi le bille. Le Lacoste est crié, accosté par les caissés, c'est ballot. Soufflé dans le ballon, pour être habillé sur bête basket, par avec des tenues tenues incorrectes. Geste abject, demande à l'objet. Vénère sur ta télé, voyant Chirac, faire la tête. Guerre d'Irak, civil défoncé à coup de matraque. Un speak en mic pour dénoncer le massacre. Tu sais déjà ce qui se passe et toi tu restes là. Bouge, bouge, ferme ta bouche, man.